Jean Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya émet des inquiétudes sur la coïncidence entre la mise sur pied aujourd'hui de l'Observatoire de lutte contre le génocide et le processus d'amendement de la Constitution en cours. Néanmoins, il pense que la réussite de cet observatoire pourra dissiper les peurs. Explication dans ce journal. Le maire de la ville de Bujumbura promet de l'électricité aux citadins vivant dans des quartiers sans courant et qui sont plongés dans le noir dès que la nuit tombe depuis plusieurs semaines. Ce problème devrait être une histoire du passé dès juillet prochain, a déclaré Freddy Bonima. Sans autre précision, vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et les enseignants des 9e années de la direction provinciale de Ngozi accélèrent les activités et doivent terminer leur matière ce vendredi afin de réserver la semaine prochaine aux exercices d'entraînement dits épreuves type. L'objectif étant d'améliorer leur performance au concours donnant accès à l'enseignement post-fondamental. Nous appellerons Apollinaire Muzagara. Voilà pour le sommaire. Le maire de la ville de Bujumbura fait savoir que le manque du courant électrique sera une histoire du passé à partir du mois de juillet prochain. Freddy Mbonima l'a annoncé ce mardi dans une réunion avec les responsables administratifs et se chargé de la sécurité. Il a appelé les citadins à installer au moins 2 lampes sur leur clôture pour l'éclairage public. Suivez. Pourquoi vous invitez les gens à installer de l'éclairage public alors que c'est évident qu'il n'y a même pas de l'électricité? C'est vrai, vous savez qu'il y a eu perturbation du climat à tel point que certains barrages hydroélectriques semblent s'assécher. Mais le gouvernement a fait des efforts en cherchant d'autres supports de production de l'électricité. Nous savons donc que dans les jours qui viennent, très bientôt, il y a quelque chose que le gouvernement a fait où la question de l'électricité, depuis le mois de juillet, s'est vidée. C'est lui qui aura besoin de l'électricité, que ce soit les soudeurs, les mécaniciens, ceux qui vendent du lait et autres, l'électricité sera disponible à un niveau satisfaisant. Raison pour laquelle nous demandons que les citadins puissent éclairer les parcelles pour qu'à tout moment où l'électricité serait disponible, il puisse y avoir de l'éclairage public, comme l'a dit le commissaire régional, pour éviter la criminalité. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, traduit par Charles Makoto. La mise en place de l'Observatoire national chargé de lutter contre le génocide et d'autres crimes internationaux avait tardé. L'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, estime qu'il faut faire attention, surtout que le projet de loi mettant en place cet organe intervient alors que l'on est dans le processus de changer la Constitution. On l'écoute. Il intervient au moment où également il y a un débat dans notre pays sur la nécessité ou non de revoir, de réviser ou d'amender notre constitution. Une constitution, c'est tout un ensemble dont les composantes s'équilibrent entre elles. Ce qui veut dire que quand vous touchez sur une composante, cela peut perturber ou désorganiser l'ensemble de cette constitution. Vous voyez par exemple qu'au niveau des institutions, il y a des institutions qui sont chargées de la gestion quotidienne de l'État. Et si c'est le gouvernement, il y a l'institution qui donne les moyens à l'État, au gouvernement, autant au niveau des lois qu'au niveau du vote de la loi budgétaire. Mais vous voyez que dans notre constitution aussi, il y a toute une série d'autres conseils qui ont été prévus pour être des cadres dans lesquels se gèrent certaines questions et qui peuvent même servir, j'allais dire, de laboratoire pour le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif pour poursuivre les objectifs majeurs consignés dans la Constitution. Ça veut dire donc

dans le ménage du quartier Gasekebouye, 2e avenue de la zone Moussaga, où est fabriquée la boisson Gourganeza Drink, lançant des odeurs nauséabondes avec des objets sales qui prouvent le manque de soin dans la fabrication et fermentation de cette boisson. Personne n'a osé nous dire les produits utilisés dans la fabrication de cette boisson Gourganeza. Mais sur les étiquettes de son emballage, on y voit certains ingrédients comme le thé vert, le gingembre et le sucre. Les fabricants ajoutent aussi que cette boisson est énergisante et aide à lutter contre l'obésité ainsi que d'autres de ses bienfaits. Toutefois, aucun contrôle par un organe compétent de sa qualité n'a encore été mené. Bien que le maire de la ville de Bujumbura ait fermé cette usine de fabrication, ces boissons restent présentes sur le marché. Oban Nyonguru et l'assistant du ministre de l'Intérieur fait savoir que les destitutions des élus locaux se font conformément à la loi. Dans le cas contraire, l'autorité destituée peut se saisir la justice pour être rétablie dans ses droits, mais sans toutefois user de la force. C'est au moment où ces derniers jours, 5 chefs collinaires et 4 chefs de zone ont été destitués dans la province de Boubansa. Suivez Terence Nahiraja, c'est l'assistant du ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique. Il est également porte-parole de ce ministère. Dans notre pays, le Burundi, nous sommes dans un état démocratique et décentralisé, n'est-ce pas? Et donc, une commune est une entité démocratique décentralisée et qui est autonome. Alors, toutes les structures sont bien définies par la loi quant à ce qui concerne le niveau de prise de décision. Ici, j'aimerais vous informer que chaque fois qu'il y a une autorité qui commet une erreur, la loi définit très bien la manière dont il faut destituer au moment où la faute est lourde, bien entendu. Vous connaissez que même que ce soit l'administrateur communal, il peut se destituer. Même les autres autorités, conformément à la loi, s'il y a des chefs collinaires ou d'autres personnes de la commune qui ont été destituées, c'est que cela se fait conformément à la loi. La loi le définit très bien et sans difficulté aucune. Ces derniers jours, il y a des chefs collinaires qui ont été destitués dans la province de Boubanza et parmi eux, il y en a un qui dit qu'il n'acceptait pas du tout la décision de sa destitution, disant que cela n'a pas respecté la loi. Est-ce que dans ce cas-là, lorsqu'il est évident que la loi n'a pas été observée dans ces cas de destitution, est-ce que vous, ancien ministère, vous intervenez? Cette personnalité, je la compare à certains commandités de la sélection de 2015 qui ont accusé le chef de l'État comme quoi il n'avait pas le droit de se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Ils ont tenté de saisir la justice au Burundi, ils n'ont pas gagné le procès, ils ont avancé le procès au niveau de la communauté est-africaine, ils ont également échoué, mais quelles que soient les décisions, ils disent que la loi n'est pas respectée, donc ça c'est impossible, je crois que c'est clair. Même cette personne-là, s'il trouve que la loi n'est pas respectée, ce n'est pas à elle de dire non, je ne me fais pas la remise à l'opinion, c'est pas du tout, et elle doit plutôt saisir la justice, et c'est la justice qui a les prérogatives et les compétences de vérifier si la loi n'a pas été respectée. Au cas où justement la loi ne serait pas respectée, la personne sera réhabilitée, surtout qu'elle a été élue. C'était l'assistant du ministre de l'Intérieur dont les propos ont été recueillis par Didier Nyonzima. Les multiplicateurs de semences de haricots bio fortifiés en commune Muyinga regrettent de ne pas trouver des débouchés sur le marché local. L'inspecteur des semences dans la région Nord, pour le compte de l'Office burundais de certification des semences, invite ces multiplicateurs de communiquer les quantités à leur disposition pour les appuyer dans la recherche du marché. Les précisions de notre correspondant Dieudonné Zeyman. Sur la colline Mahonda, commune Muyinga, Marietta Nirameba, présidente de la coopérative et gestionnaire des hangars de conservation de semences, range les quantités reçues du jour au jour en des blocs. Une partie des variétés d'haricots traditionnellement cultivées dans la province et une partie pour les semences du haricot biofortifié dit MAC 44, Magorori, appellation locale. Magorori est une variété avec une teneur spéciale en fer. Cette variété en cours de vulgarisation dans la province depuis 3 ans, l'expérience a prouvé que non seulement cette variété aide à réduire la malnutrition chronique, particulièrement chez les enfants, mais permet aussi de multiplier par 3 le rendement, ce que reconnaît les cadres à la direction provinciale de l'agriculture et l'élevage. Des multiplicateurs de semences affirment pourtant ne pas trouver de marché d'écoulement des semences de cette variété. Les gestionnaires de la coopérative de Mahonda a encore dans le stock des tonnes d'haricots Magorori produits avec la saison culturelle. Et les petits cultivateurs ont du mal à acheter les semences de cette variété chère au regard du coût de production. Réveillez Nichayenzi, inspecteur des semences dans la région nord pour le compte de l'Office burundais de certification des semences ONCS en sigle, promet d'intervenir dans ce sens en servant de pont entre les multiplicateurs de semences et les agriculteurs ou organisations qui en ont besoin. Les multiplicateurs doivent au préalable communiquer la quantité à leur disposition. La variété MC44 a été introduite au Burundi il y a 3 ans via le programme de développement économique et chaîne de valeur sur financement du gouvernement australien. Mardi, c'était le moment de l'évaluation de l'étape déjà franchie. Dieudonné Nzeyimana, Mwinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Dans la province de Ngozi, les programmes de certains cours comme les sciences et technologies ne sont pas encore achevés dans certaines écoles ayant la 9e fondamentale. À 2 semaines de la passation du concours national d'orientation et de certification, les enseignants ont juste jusqu'à ce vendredi pour achever la matière, quitte à réserver la dernière semaine aux exercices dits épreuves type afin de faire un pas en avant dans ce concours par rapport à l'année passée, selon le directeur provincial de l'enseignement Ngozi. Voici la correspondance d'Apollinaire Muzagara. D'après le directeur provincial de l'enseignement d'Ngozi, les responsables dans ce secteur s'étaient fixés des objectifs dès le début de cette année scolaire en vue de mieux réussir le concours national édition 2017. Parmi ces objectifs figurait l'encadrement permanent des écoliers de la 9e fondamentale, des directeurs et même des professeurs de cette classe. Après une réunion d'évaluation tenue ce mardi, le DPE Ngozi a déploré que certains établissements n'ont pas encore achevé les programmes de l'année, particulièrement en sciences et technologies en 9e année. Les enseignants ont jusqu'à ce vendredi pour enseigner, quitte à réserver la dernière semaine aux épreuves type, ont-ils décidé, indiquant que c'est l'une des mesures prises en vue de faire un pas en avant. Il dit qu'il y a néanmoins de quoi se féliciter, vu les points obtenus dans le récent test provincial. Même les dernières écoles ont obtenu plus de 30%, ce qui fait croire au bon résultat de cette année au concours national d'orientation et de certification prévu à partir du 22 au mois. Et de surcroît, faire un pas en avant dans le classement national. Pour rappel, la province Ngozi s'était classée l'an passé 8e dans son concours de la 9e année fondamentale, alors qu'elle venait de passer 4 ans sans dépasser la 2e place au niveau national. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Ce mercredi, au moins 3 morts et 2 blessés dans 2 attaques à Téhéran, la capitale iranienne. Paris demande à l'ONU de soutenir une force africaine dans le Sahel et la République démocratique du Congo a accepté une enquête avec l'ONU sur les violences dans la province de Kasaï. Bitana Barthélémy, il est stagiaire à notre station, il nous donne les détails de ces nouvelles. La République démocratique du Congo a accepté de collaborer avec les Nations Unies pour une enquête conjointe sur les violences au Kasaï. Des experts des Nations Unies avaient disparu en mars dernier dans cette région du centre de la République démocratique du Congo et leur corps avait été par la suite retrouvé dans une fosse commune. C'est par la voix de la ministre des Droits Humains que les autorités congolaises ont donné leur accord pour participer à une enquête conjointe avec les Nations Unies qui portera sur les violences en cours dans les provinces du Kasaï. Selon le site de BBC, Marie-Ange Mouchobekwa, citée par la radio Kapi en RDC, a déclaré que Kinshasa n'avait rien à cacher. Elle a toutefois précisé que le gouvernement congolais va garder la direction de l'enquête. La France a demandé mardi 6 juillet au Conseil de sécurité des Nations Unies d'appuyer le déploiement d'une force ouest-africaine dans la bande sahélienne pour combattre le terrorisme et le trafic de drogue et d'êtres humains en éradiquant les groupes islamistes et les crimes organisés. Plusieurs attaques ont été signalé ce mercredi dans la capitale iranienne. Le parlement et le mausolée de l'ayatollah Khomeini ont été la cible de ces attaques qui ont fait au moins 3 morts et plusieurs blessés. Selon la RFI, l'attaque du parlement est toujours en cours et plusieurs personnes seraient retenues à l'intérieur du bâtiment. De tels attentats dans la capitale iranienne sont exceptionnels. Il y a déjà eu des attaques dans la région frontalière, mais c'est la première fois qu'il y a une telle attaque dans la capitale iranienne. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Toussaint Mitebouti. Au micro, Jean Bosco, Nduimana. Restez branchés sur nos ondes.